Oh, tu m'as l'air dans tous tes états. T'as pas l'habitude d'être comme ça. Tu te fâches, tu te gâches, c'est dommage. C'est compliqué quand tu t'attaches. Et te voir comme ça, ça me ronge. Faut que tu songes à tourner la page. Où est passé ton sourire et te la voler? Je t'avais prévenu. Les hommes sont bizarres, tu viens de t'en rendre compte. Et si tu veux du sérieux, du concret, il partira plus vite que son ombre. L'amour t'a déçu, déçu. Mais ne t'en fais pas, ça revient tout comme la monnaie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est sûr. Je te le dis, ma chérie, t'étais mieux avant. No love, no problem. No love, no problem. No love, no problem. No love, no problem. Pas d'amour, pas de problème, pas d'amour. T'étais la forme, t'étais dans le move. T'étais jamais dans un mauvais mood. Avant tu te faisais belle, tout le monde te regardait. Pour aller danser, t'étais toujours dans le groove. T'avais du répondant, oui t'avais de la fierté. Celui qui t'accostait pouvait aller se brosser. Indépendante, t'avais pas le temps. Lui il est venu, il t'a prise, il t'a géchant. Oublie les blessures, blessures. Tout n'est que cicatrices. En tout cas ce qui est sûr, c'est sûr. Je te le dis ma chérie, t'étais mieux avant. No love, no problem, no love, no problem, no love, no problem, no love, no problem, pas d'amour.